reviennent en nous sans caméra. Il y a des images avec des mélodies en plein cœur de ma vie, posées comme autant de petits diamants qui brillent pour moi sur le chemin du temps. Alors à demain, le film était bien. Pourquoi pas gommer le mot fin? Il y a des images, il y a des paysages, des yeux dans des visages, il y a des grands moments de cinéma reviennent en nous sans caméra. Il y a des images comme un chemin d'étoiles, diamants sur une toile, les belles images des films où je revois le bonheur avec des chats.